Leçon 3. Document 1, page 18. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La banque est fermée? C'est la grève. Ah bon? Et qui est-ce qui fait la grève? Les employés, bien sûr. Ils demandent une augmentation. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Ils ont commencé quand? Ce matin. Zut alors! Et comment on peut retirer de l'argent? Moi, je n'ai pas de carte bancaire, je retire toujours au guichet. Essayez d'aller à l'agence centrale. Il paraît qu'elle est ouverte. J'espère. Mais ils ont déjà fait grève au mois de janvier, non? Oui, vous avez raison, je m'en souviens maintenant. Après les fêtes du Nouvel An. Moi, heureusement, j'ai une carte bancaire. Vous vous en servez beaucoup? Tout le temps. Je ne sais pas comment vous pouvez vous en passer. C'est presque impossible aujourd'hui. Je sais bien, mais ça me fait peur. Peur? Et pourquoi? J'ai peur de la perdre, de dépenser trop, d'oublier le code. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu stupide. Bon, si vous n'en avez pas besoin, vous avez bien raison.